M-I-S-T-A-M-A-Z. A-M-A-Z. A-M-A-Z. Je parle avec des images pour que tu vois ce que je veux dire, frangin. Frangin. Écoute étonnamment, fasciné des pros d'avance en face et si mes faces sont irréversibles. En tôt d'avant, je colle ma tes sous ma carcasse pendue. J'attends, je ne sais plus quoi. Un amas de débris et de déboires. Frérot à base, guette ma tristesse du soir. Sans tolérance, ni discernement, repose aucun pluralisme. Gratte ma plume aride et me confie lorsque la lune arrive. Je parle de l'écrit de guerre, me parle des chiffres qui paient. J'étoffe mon lexique, frère, mais il s'étouffe, t'es masqué, légifère. Crime, arme, profit, crise, larme, gros titre. J'prie plein de cogites, j'avoue, j'cris, j'canne trop vite. Ambiance morose, tous les regards se croisent, c'est ce qui veut se fuir. D'une France en fait d'art, sans vraie larme et aux couleurs exquises. Trop de gens dépassent l'entendement, que la raison ignore. Tu n'es dans un conte de fait semblant. Dans une version ignoble, j'impose une prose gisant dans l'encre. Je reviens rien mettre aux normes, j'ai rien d'un métronome. Une raison noble, un chemin n'est trop mort. Pas de colamaillard ni masque du sommeil. Les yeux bandés, loin des Bahamas et du soleil. On vit caché, loin de ceux qui font les macs. Caillou qui fait des ricochets finis au fond du lac. Souffrir ou périr, à menoter nos forces. Écrire pour guérir comme une autodéfense. Se dire que la vie est belle ou qu'elle est archilède. On veut se libérer du fond avant la poussée d'Archimède. Abandonner ça resterait facile étant donné le choix restreint. Vivre comme une course de fond ou une randonnée pédestre. On déstresse difficilement vu la politique extérieure. Pathétique, triste, erreur, peu d'éthique. Et l'esthétique reste un leurre. À part ces requins, je critique ces clans, ces clics, ces pans. Perçois l'avenir comme ce noir américain devant ce flic blanc. Et je pense, écrit au rifié. Où est le sens des priorités? En proie un tel effroi et t'avances, c'est frigorifié. Dans un décor glacial, réchauffe les cœurs. Quand la banquise t'accueille, approuve mon mal-être, classe mes erreurs dans un triste recueil. J'impose la volonté du M après celle du A, frère. Store game solo, là où tu te sens du père, j'ai dû perdre mille fois. La raison mais je triche pas. L'homme aux mille questions qui déambule, qui fait les mille pas. Bref, ouais. On s'associe du nord au sud. Mêle nos soucis semblables, compare nos vies sur feuilles en pas sud. Pas de colamaillard ni masque du sommeil. Les yeux bandés, loin des Bahamas et du soleil. On vit caché, loin de ceux qui font les macs. Caillou qui fait des ricochets finis au fond du lac. Souffrir ou périr, à menoter nos forces. Écrire pour guérir comme une autodéfense. Se dire que la vie est belle ou qu'elle est archi laide. On veut se libérer du fond avant la poussée d'Archimède. Arrivé sur terre en France avec un prénom qu'on écorche. Leur corps de coups m'égorge, ils veulent vraiment qu'on les torche. Leur passe vite, vivre en paix, un titre posthume. Le bonheur comme le casier vierge de ses pitres en costume. Rare, dur de sourire quand les jours paraissent noirs. Quand le partage est expliqué par ceux qui ne pensent qu'à recevoir. J'ai les nerfs, épouse le verbe et le mot est faible. Si le diable est sur BFM, les anges pas sur énergie 12. On se bourre le crâne et trouve au drame un aspect chic. C'est l'enfer est sur terre, dans ce four on crame, ça reste logique. Tu veux les idées claires, oublie la cam, arrête le shit. Mes mots de tête sont plus puissants qu'un doliprane ou aspect chic. Noyé, loin de ceux qui en font un thème génial. Y'aura toujours ceux qui portent l'œil comme le front de Ten Shinhan. Et puis, si les épreuves s'enfilent tant pis, c'est que le destin, je me fous d'avoir la cote. Je passe pas tôt rempli de clandestins. Pas de colamaillard ni masque du sommeil. Les yeux bandés, loin des Bahamas et du soleil. On vit caché, loin de ceux qui font les macs. Caillou qui fait des ricochets finis au fond du lac. Souffrir ou périr, à menoter nos forces. Écrire pour guérir comme une autodéfense. Se dire que la vie est belle ou qu'elle est archi laide. On veut se libérer du fond avant la poussée d'Archimède. Archimède. Nico à la prod.